pies, lo podéis hacer sobre vosotros. No, vais a mover de la silla, vais a hacer sobre vosotros mismos. Parce qu'il va falloir commencer d'une palpation cinétique, mécanique, à commencer à rentrer dans une palpation un peu plus sensorielle. Vamos a empezar desde una palpación cinética mecánica en una. Tenemos que pasar a una palpación más sensorial. Mais on va voir, c'est rien de très compliqué, il suffit juste de changer un petit peu le niveau de perception. No es nada complicado, lo único que hay que cambiar es el nivel de percepción. Alors, vous allez tous prendre vos deux bras. Vais a coger todos vuestros brazos. Vous mettez votre main comme ça et vous posez vos doigts sur votre avant-bras. Colocáis la mano así y vais a colocar los dedos encima de vuestro antebrazo. Vous serrez un peu le poing pour voir où est-ce que ça gonfle. Et vais a cerrar el puño para ver para notar que se infla. Et donc vous mettez votre main sur la masse musculaire. Y entonces vais a colocar los dedos encima de la masa muscular que se infla. Donc pour l'instant vous relâchez votre main. Por ahora relajáis la mano. Et vous allez donc poser vos doigts sur le muscle et vous enfoncer un petit peu. Entonces vais a colocar los dedos encima del músculo y los vais a hundir un poquito. Et vous allez faire un mouvement qui va de la main vers le coude comme ça. Y vais a hacer un movimiento que va en el sentido de que la mano hace en el sentido así. Donc el codo a la mano. La main est relâchée, vous pouvez la poser sur la table, ça sera peut-être plus facile. La main qui est relâchée, vous pouvez poser l'avant-bras sur la table. De la mesa, ça sera plus facile. Et donc vous mobilisez le muscle d'avant en arrière. Y mobilizáis los músculos de delante a atrás. Maintenant vous serrez le poing. Cerrez el puño. Vous essayez de rester avec vos doigts à la même profondeur et vous essayez de bouger le muscle pareil qu'avant et voir si c'est différent ou pas. Y lo que vais a hacer es intentar cerrar el puño, intentar mover los músculos en el mismo sentido y ver si es la misma cosa o ha cambiado. ¿Es que es el mismo movimiento o no? ¿Es el mismo movimiento o no? Donc maintenant vous allez tendre votre main. Entonces vais a relajar vuestra mano. La tendre. Ah, tensionar, perdón. Mais main ouverte, extension de la main. ¿Es que j'ai le même mouvement ou pas? Al extender la mano, ¿tengo el mismo movimiento o no? ¿Tiene el mismo movimiento como ça y como ça? ¿Tienes el mismo movimiento? Si la has conectado, se me mueve, pero si es aquí, no se me deja. Así más. Sí, sí, d'accord. Por l'instant, chacun. Sans ce qu'il sent, il n'y a pas de vérité, c'est voir est-ce qu'il y a des différences déjà. Pour l'heure, ce qui importe est apprécier la différence que peut avoir. Il n'y a pas de vérité pour tout le monde. Donc vous pouvez refaire les trois. Donc je serre le poing, je relâche la main et je tends la main. Vous pouvez faire les trois. Con el puño cerrado, mano relajada y estirando la mano. Donc vous faites le mouvement comme ça. Y entonces sentez le movimiento en este sentido. Une fois que vous avez bien cette référence, vous allez faire la même chose, mais cette fois, au lieu de faire un mouvement important, les doigts, vous allez le faire de manière plus réduite. Un petit mouvement, et voir est-ce que vous sentez toujours cette différence entre les états différents. Entonces, ahora vais a hacer lo mismo, pero vais a reducir la amplitud del movimiento, ¿vale? Lo mismo, también con la mano, el puño cerrado, relajado y abierto, pero mucho menor. A ver si notáis todavía la diferencia. Donc, la différence, pas uniquement dans le fait que ça gonfle ou pas, hein, mais vraiment de ce mouvement qui va de la main vers le cou. No solamente la diferencia de si el músculo se infla o no se infla. También la diferencia de este movimiento del codo a la mano. Donc, est-ce que vous avez toujours la différence quand vous faites des plus petits mouvements? ¿Todavía notáis la diferencia del movimiento? Donc, maintenant, toujours avec cette référence, vous allez juste poser vos mains et imaginer ce mouvement antéro-postérieur, enfin ce mouvement de la main vers le coude. Donc juste imaginez, hein, vous mettez, vous dites, je sais quel mouvement j'ai, je pose les doigts, je m'imagine, et vous faites les différents états, vous voyez si vous enregistrez toujours une différence. Entonces, ahora lo único que vais a hacer es poner la mano encima de la zona, pero solamente ponerlo. Y entonces vais a imaginar el movimiento que tenéis que sentir y veréis si cuando cerráis la mano, la abrís o la relajáis, si ese movimiento todavía lo podéis sentir o no. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas passer trop de temps à essayer de sentir quelque chose. C'est important que ne passez pas trop de temps queriendo sentir algo. En fait, c'est, voire même vous pouvez enlever votre main, vous la posez, est-ce que j'ai cette impression de mouvement ou pas? J'enlève, je serre, je pose, est-ce que j'ai cette impression de mouvement ou pas? Muchas veces lo que hay que hacer es quitar la mano, lo ponemos. Noto, ¿tengo la impresión de que existe este movimiento, sí o no? Quito la mano, cierro el puño, tengo la sensación de movimiento, sí o no. Pero no paséis mucho tiempo encima. ¿Es que todo el mundo arriba a sentir que hay diferencia, même sans provoquer el movimiento? ¿Todo el mundo nota la diferencia, aunque no haya movimiento? Oui, non. Oui. S'il y en a qui ont des difficultés, donc on fera au fur et à mesure, quand on fera en pratique, n'hésitez pas à nous demander. Hein. Si alguien tiene dificultades, lo iremos haciendo, entonces a la hora de la práctica, preguntarle para que pueda ayudar. Alors, deux petites remarques. Donc, l'idée, c'est de sentir un mouvement. On dit, donc au début, on l'a induit, hein, on a fait le mouvement, on a induit le mouvement. L'intérêt de esto es que primero inducimos este movimiento. Et après, juste on le ressent sans l'induire. Luego solamente lo sentimos sin inducirlo. Mais ce que je vous ai dit, ce qui est important, c'est d'imaginer qu'il existe ce mouvement. Pero lo que es importante es imaginar que sí existe este movimiento. Parce que sinon, quand on ne veut pas induire, quand on ne veut pas induire, porque si no queremos inducirlo, souvent on se bloque. Nosotros nos bloqueamos. Et donc du coup, on ne peut rien sentir parce qu'on s'est bloqué. Y entonces no podemos sentir nada porque estamos bloqueados. Donc faut pas avoir peur d'induire le mouvement. Entonces no hay que tener miedo de inducir este movimiento. Vous avez vu tout à l'heure quand on l'induisait, même de manière importante, eh ben, y avait quand même une différence. Ya habéis visto que por mucho que induzcáis este movimiento, con la mano cerrada o abierta, hay una diferencia, existe una diferencia. Hein, donc, faut pas avoir peur d'induire dans un premier temps et petit à petit d'induire de moins en moins. Entonces, en un primer tiempo no hay que tener miedo de inducir este movimiento y luego poco a poco intentar inducirlo a la vez. L'image que je prends souvent, c'est imaginez une rivière qui coule devant vous. La imagen que suelo proponer es de imaginar un río. Avec une barque dessus. Y con un barquito encima. Si la barque passe à mon niveau et que je pose le pied dessus, si pasa enfrente de él el barco y pone el pie encima, je peux bloquer la barque. Le courant n'est pas trop fort. Si la corriente no es demasiado fuerte, tú puedes bloquear ese barco. Donc c'est là quand je dis tiens, je veux sentir si la barque bouge, mais si je bloque, je sens rien. Entonces, yo quiero sentir si el barco se mueve. Pero si tú bloqueas demasiado el barco no se va a mover, no vas a sentir nada. Pour que mon pied il aille avec la barque, para que el pie se vaya con el barco, il faut que, ben, j'imagine que, voilà, c'est comme si mon pied, je voulais qu'il se déplace, et quand il touche la barque, ben, il est entraîné. Entonces, lo que hay que imaginar es que tú quieres saber si ese barco se mueve. Cuando pones el pie encima del barco, tienes que dejar que se vaya un poquito, para notar ese movimiento sin bloquearlo. Hein, donc c'est juste que pour la phrase que j'utilise, c'est que pour ne pas induire, il ne faut pas avoir peur d'induire. Para no inducir, no hay que tener miedo de inducir. Es la frase que utiliza. Sinon, on se bloque. Porque si no, nos bloqueamos. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, n'ayez pas peur d'induire un petit peu dans un premier temps. Entonces, los que tengáis un poquito de dificultad para sentir esto, en un primer tiempo no tengáis ningún miedo de inducir el movimiento. Et surtout, bah, de se faire confiance. Y confiar. Et se fier à la première impression. Y fiaros de la primera impresión. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on reste trop longtemps, et ben en fait, le mouvement est intégré et on ne perçoit plus le mouvement. Entonces, cuando nos quedamos mucho tiempo en un sitio, el movimiento se interviene, entonces ya no estamos percibiendo el movimiento. Alors, on se refait une dernière petite fois. Donc, vous posez votre bras. Là, vous n'induisez plus. Vous posez votre main. Vous ressentez est-ce que j'ai du mouvement, oui, non. Je serre le poing. Est-ce que j'ai du mouvement, oui, non. Voilà, faites juste ça. Entonces, ahora volvemos a repetir la práctica. Vais a colocar la mano justo encima. Y si induciendo el movimiento, vamos a ver. Donc, mouvement, main relâchée. Vale, con la mano relajada. Si hay movimiento, no hay movimiento. Et juste main serrée, mouvement pas. Y cuando cerramos la mano, si hay o no hay movimiento. Donc, faites-le comme moi à cette vitesse-là. Et hacerlo al ritmo que lo hace. Main relâchée. Mano relajada. Mouvement ou pas mouvement? Hay movimiento o no hay movimiento? Pour moi, oui, il y a un mouvement. Para él, sí. Et je relâche. Je serre la main. Cerramos la mano. Je pose. Colocamos la mano. Plus de mouvement. Y no hay movimiento. Es de arriba. Bon. Donc, on va s'entraîner à ça sur le concret, puisque c'est ce mouvement qu'on va tester. Donc, dans l'ensemble du corps, il y a plein de mouvements dans tous les sens. Es este movimiento que lo vamos a hacer en este caso concreto. En el cuerpo hay movimientos que van en todos los sentidos. Donc, si on veut ressentir quelque chose, il faut savoir ce que l'on cherche. Si queremos sentir algo, hay que saber dónde encontrarlo. C'est comme si je vous montre un tableau et que je vous dis de regarder le tableau, personne ne va voir exactement la même chose sur le tableau. Si os dice, por ejemplo, que miréis a una tabla y... Tableau de peintre. A un cuadro, por ejemplo, una pintura, no todo el mundo va a ver lo mismo. On va dire, ah tiens, regarde, dans le coin là, il y a une maison bleue, et puis là, t'as vu tel personnage. Donc si on regarde l'ensemble et qu'on essaye de tout voir, c'est aussi ce qu'il va falloir savoir ce que l'on cherche. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le mouvement... On va dire céphalopodal, donc des pieds vers la tête, enfin, dans les deux sens. Lo que nos interesa en este caso va a ser el movimiento céphalopodal. Qui va exister sur l'ensemble du corps. Ce mouvement existe sur l'ensemble du corps. Es el movimiento que va de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Y esto pasa en todo el cuerpo, en el conjunto del cuerpo. Donc, un tissu fonctionnel, on doit avoir ce mouvement d'aller-retour dans le sens céphalopodal. Tejido que sea funcional, debemos encontrar este movimiento cefalopodal. Donc pour le fibular profond, para el peroneo profundo, les territoires musculaires qui nous intéressent, el territorio muscular que nos interesa, donc c'est côté loge antérieure, el compartimento anterior, et le pedio, y el pedio. Donc sur ces deux territoires, on va devoir retrouver ce mouvement cefalopodal. Dans le cadre où il est dysfonctionnel, si es disfuncional, ces territoires vont être bloqués. Este territorio va a estar bloqueado. On a un territoire supplémentaire qui est lui cutané, superficiel. Y hay otro territorio suplementario que va a ser un territorio cutáneo, superficial. Et donc, l'espace interdigital. Que es el espacio interdigital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la branche est dite cutanée. Cuando decimos que las ramas son cutáneas, en fait, va envoyer des filets aussi plus en profondeur. También hay filetes nerviosos que van más en profundidad. Et notamment, vous avez tous les muscles piloérecteurs, les muscles des poils. Y hay músculos piloerectores, que son los músculos del pelo. Hein, qui permettent de comprendre qu'en fait, la peau, ben, elle est aussi mobilisée par ces petits muscles et qu'elle peut être bloquée. Et que la piel se mobilise par ces petits muscles et que también puede estar bloqueada. Donc dans les territoires musculaires, on va aller un peu plus en profondeur. En los territorios musculares iremos un poquito más profundo. Et sur le territoire cutané, ben, on va rester au niveau de la peau, on reste en superficiel. Donc si mon fibula profond est réellement dysfonctionnel, je vais avoir ces trois territoires-là qui vont être bloqués. Voy a tener estos tres territorios que van a estar bloqueados. Faut que j'ai les trois. Necesitamos que los tres estén bloqueados. ¿Ça va jusque-là? Sí, hasta aquí todo claro. Donc, pour confirmer que j'ai bien, c'est bien mon fibulaire profond à cet endroit-là qui est dysfonctionnel. Entonces, para confirmar que este peroneo profundo es el que es disfuncional. Donc, je teste, c'est bloqué. Testo y está bloqueado. Je vais relâcher mon nerf, donc je vais faire une flexion-supination. Entonces, quiero relajar el nervio y hago una flexión y una supinación. Hein, c'est moi qui vais mettre le patient en flexion et supination. Voy a ser yo quien va a colocar el pie del paciente en flexión y en supinación. Et à ce moment-là, normalement, ça doit relancer les territoires. Y en este momento debería de relajarse el territorio. Hein, je relâche le nerf. Ok, il refonctionne. Je l'étire, il dysfonctionne. Estiro y está en disfunción y lo relajo y se vuelve a funcionar. Pero siempre que tú lo relajes va a volver a ser funcional. ¿Tú yo? Es que. Si es la que funciona, sí. Si es donde tenemos que tratar, sí. Si es para, ¿no? Si no es aquí, no. Entonces, si la flexión y la supinación. En fait, ils vont avoir tendance à détendre les nervi nervorum du nerf fibulaire profond. Si esta flexión y supinación lo relaja los nervi nervorum del nervio profundo. Alors, ça entraîne donc une relaxation des territoires moteurs et sensitifs. Nos va a entrañar una relajación de los territorios motores y sensitivos. Donc, cela signe qu'il y a une dysfonction neurale du filet tubulaire profond distal. Et donc, ça signifie qu'il va y avoir une dysfonction neurale du peroneo profondo à niveau distal. Alors, donc là, c'est dit autrement. Si je relâche le nerf et que la dysfonction disparaît, si relajo el nervio y la disfunción desaparece, c'est bien qu'il y avait une dysfonction à ce nerf. Eso significa que hay una disfunción de este nervio. C'est simple. C'est juste que Bon, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'en fait, il y a pas, il y a plusieurs endroits pour traiter une nerf fibulaire profonde. Lo que puede ser más sorprendente es que puede haber diferentes zonas para poder tratar el peroneo profundo. Pour l'instant, vous, vous êtes au pied, donc on va s'intéresser au côté distal, la stimulation au niveau du pied. Donc, pour savoir si c'est bien là, c'est le test qu'il faut faire. Entonces, en este caso, que estamos situados en el pie, lo que nos va a interesar es si lo tenemos que tratar a nivel distal de ese nervio. Donc, j'ai fait mon test cinétique. Je vois que d'un côté, je ne peux pas faire une pronation, extension pronation. Vamos a hacer el test cinético, veo en un lado que no podemos hacer la pronación y extensión. Me dit, tiens, j'ai peut-être un fibulaire profond. Eso significa que puede que tengamos un peroneo profundo. Du côté où ça va. Del lado que no va más allá. Alors à ce moment-là, je vais tester les territoires du fibulaire profond. Donc, il y en a trois, loge antérieure, pédieux, premier espace interphalangien. Et en ce moment, lo que vamos a hacer es testar los tres territorios que tenemos del peroneo profundo, que va a ser el compartimento anterior, el pedio y el espacio intervertical. Et là, en général, je confirme, est-ce que ces trois territoires sont bien dysfonctionnels? Y entonces vamos a confirmar si estos tres territorios son disfuncionales. Si par exemple ils étaient fonctionnels, si, por ejemplo, fonctionnels, ça veut dire que la limitation que j'ai trouvée, elle a peut-être une autre origine. Entonces, significa que la limitación que he encontrado puede que tenga otro origen. Ça peut être plus musculaire ou articulaire. Puede ser muscular o puede ser articular. C'est pas toujours le nerf. On commence par voir est-ce que c'est le nerf. No tiene por qué ser el nervio, pero sí que vamos a empezar a ver si es el nervio. Vamos a empezar por ahí. Donc s'il y a le nerf, il doit avoir ces territoires perturbés. Si es el nervio, tenemos que encontrar estos tres territorios bloqueados. Comme je vais le traiter au niveau du pied, on va voir le point juste après. Et como lo queremos tratar a nivel del pie, vamos a ver los puntos ahora. Je détends au niveau du pied. Relajamos a nivel del pie. Et si en détendant au niveau du pied, ça, ça libère les territoires. Si cuando relajamos a nivel del pie estos territorios se relajan, ça veut bien dire que c'est là qu'est le problème. Esto significa que sí que está aquí el problema. Ça va, c'est clair maintenant? Sí, esto está claro ahora. Qu'est-ce qui va passer là? Il n'y a rien à, pour l'instant, prenez-le comme ça, c'est logique. Es bastante lógico. Comprendre así y ya está, de la gente. Le tendu me perturbe, je le relâche, ça va mieux. Algo que está estirado, perturba, yo lo relajo, y entonces vuelve a funcionar. Donc maintenant, que là quand on le relâche c'est momentanément, mais on ne l'a pas traité. Entonces cuando lo relajamos es momentáneamente, pero no lo hemos tratado. Donc le traitement ça va être la stimulation d'un point. Entonces el tratamiento va a consistir en la estimulación de un punto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Puede ser que alguna, o sea, son tres áreas, ¿vale? La del nivel anterior, el pedio y la sensitiva. Puede, ahora está diciendo el caso de que no funcionan las tres, pero puede ser que porque haya mayor o menor estiramiento o no, compresión de ese nervio, alguna funcione y otra no. ¿Compresión de nervio? No, que sí. O sea, que pues, si tienen que dar los test preoperatorios mal, ¿no? Es verdad. Antes hemos dicho, pero que sí, así si del cuarto si hay dos, si encontramos solamente dos territorios de los tres, no es este caso de aquí, hay otra cosa. Vale. C'est un nerf, s'il est perturbé, il bloque l'ensemble de ses territoires. El nervio, si está bloqueado, va a bloquear los tres territorios. Quand on dit bloqué, c'est-à-dire que c'est lui qui pose le problème. Cuando decimos bloqueado, significa que es él el que está creando el problema. Parce qu'il y a toujours plein de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours plein de choses perturbées. Porque cuando hablamos de perturbación, hay muchísimas cosas que pueden estar perturbadas. Si je vous dis de marcher dans la pièce et que j'éteins la lumière, vous allez vous cogner dans les tables. si por ejemplo apagamos las luces y os dice que vayáis caminando, os podéis quedar con las mesas y pueden pasar otras cosas. Bon, le problème, c'est pas vos yeux qui vont pas bien, c'est pas parce que vous marchez pas bien, c'est juste c'est la lumière qu'il faut allumer. En este caso, no es que vuestros ojos no puedan ver o el problema esté o no sepáis andar, sino que la luz no es suficiente. Néanmoins, quand il y a plus de lumière, ben, d'un coup, il se passe plein de choses, plein de perturbations. Entonces, cuando encendemos la luz, pues todo pasa mucho más. Donc, la question c'est quel est l'élément perturbé et la manière dont on répond en posturologie. C'est d'aller chercher le plus hiérarchiquement élevé, et là ce que vous allez connaître le plus hiérarchiquement élevé, c'est le moral. Entonces, cuando estamos hablando en posturología, tenemos que ver cuando está perturbado algo, cuál es la manera de ver que jerárquicamente es el más importante para tratarlo. Entonces, el que jerárquicamente es el que domina o el más importante por ahora, el que conocéis es el nervio. Et notre manière de faire, c'est pas par l'interrogatoire, par la réflexion, c'est directement par les tissus du corps. Entonces, nosotros no le vamos a preguntar al paciente, no le vamos a hacer un interrogatorio, ni... Oui, on en fait, mais ce qui va vraiment nous donner le diagnostic, c'est le côté palpatoire. No es l'interrogatorio el que nos va a dar el diagnóstico, ni el pensar en qué es lo que puede pasar, sino los tejidos. Donc, si un nerf, ça c'est, si un nerf est dysfonctionnel, l'ensemble de ces territoires va être dysfonctionnel. Entonces, si el nervio está en disfunción, el conjunto de los territorios que innerva van a estar en disfunción. C'est pour ça qu'on essaye d'en tester plusieurs. On essaye d'en tester plusieurs. Intentamos testar varias zonas. Parfois, sur certains nerfs, bah, on n'a qu'un territoire qu'on peut tester, mais. Si on en a plusieurs, on essaie de faire plusieurs. Hay en algún nervio que solamente tenemos un territorio a testar, pero normalmente intentamos coger todas las zonas de territorio para ver si todas están en su función. Juste pour être sûr. Sobre todo para estar seguros de que es un nervio que debe hacer. Bon, donc, on a identifié notre nerf. Territoire, no puntos Il n'y a pas. Ya, oui, ya. Il y a plein d'autres choses qui vont être perturbées. Mais il faut faire un examen clinique qui aille vite et qui soit rapide. Donc, pour ce nerf, on teste ces trois territoires. Para este nervio en concreto vamos a testar estos tres territorios juntos. Si son disfuncionales, on va aller à la recherche. Entonces, si son disfuncionales, vamos a buscar el punto a tratar. Donc, pour trouver le point. Para encontrar el punto. Des points, il faut stimuler le nerf. Il y a plein d'endroits où on pourrait le stimuler. El punto es donde vamos a estimular el nervio y puede haber muchos sitios donde podemos estimular el nervio. Mais il y a des endroits plus faciles que d'autres. Pero hay lugares que son más fáciles, puntos que son más fáciles que otros. Donc, là le nerf, on a vu tout à l'heure qu'il passait là au niveau, donc il émergeait au niveau du pli de la tibio tarsienne, du pli de flexion du pied. Entonces vemos que el nervio emerge a nivel del pliegue de la tibio tarsiana, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps, les nerfs, les artères, les veines aussi, tout ça, ça passe ensemble. Et hay que saber que en el cuerpo, las venas, arterias y los nervios van en paquetes, van juntos. Parce que sinon, il y aurait des trous partout dans le corps. On essaie de faire passer tous les câbles au même endroit. Sinon, il y aurait agujeros por todas partes en el cuerpo, y entonces mejor pasar los cables que solamente un agujero. C'est l'image que l'on prend, c'est si vous avez l'artère qui est la rivière. Par exemple, en cette image, si l'artère fuerait le río. Ok, il y a une vallée. Il y a une vallée. Et vous avez la route qui va. On va profiter de cette vallée pour passer entre les deux montagnes. Et aprovechamos el valle para pasar por el camino. Alors. Donc. On peut s'aider du pouls parfois pour trouver le nerf. On va rechercher l'artère en fait, on va rechercher le pouls de l'artère. Podemos usar el pulso para buscar la arteria. Et en général, le nerf est latéral à l'artère. Y por norma general, el nervio se suele situar lateral a la arteria. Et souvent dans une gouttière qui est bordée par deux muscles. De faisceaux musculaires. Et normalement, un agujerito qui suele être portado par deux muscles à cada lado. Les montagnes, c'est les muscles, et dans la vallée, la chemine, l'artère, le nerf. Las montañas son los músculos, y en el valle tenemos la arteria, el nervio, que es un río, y la ruta, el camino. Et donc, en général, quand vous avez le pouls, vous décalez latéralement, vous êtes sur le nerf. Entonces, en general, si tenéis el pulso, vais un poquito hacia el lateral y estáis encima del nervio. Alors, il ne faudra pas tout le temps vouloir trouver un pouls, ça sera pas. Il y a des endroits où c'est pas la peine. No intentéis siempre buscar el pulso porque hay puntos donde no merece la pena. Notamment là, à cet endroit-là, en fait, on a d'autres choses qui vont nous guider. En este caso, por ejemplo, hay otras cosas que nos van a guiar. Vous voyez qu'en fait là, la vallée, ça va être les deux tendons. Aquí el valle está hecho por estos dos tendones. Le tendon du tibial antérieur et le tendon du long extenseur de l'hallux, du gros os. Qui sont el tendón del tibial anterior y el tendón del extensor largo del dedo gordo. Voilà, là, vous voyez, on a bien l'artère et latéralement le nerf. Aquí tenemos la arteria y lateralmente. Donc c'est dans le à l'endroit du pli de flexion du pied entre les deux jambons. Entonces en el tobillo donde se flexiona el pie. Et ce qui va nous dire qu'on est bien sur le nerf et à la bonne profondeur. Et lo que nos va a decir que estamos bien encima del nervio y en la profundidad adecuada. C'est que quand je vais appuyer, ça va libérer mon territoire. Que cuando estoy apoyando nos va a liberar el territorio. Hein, donc, je vais me positionner anatomiquement à peu près où se situe le point. Entonces, me situo anatómicamente más o menos donde está el punto. Je teste mon territoire. Teste el territorio. Là, par exemple, le premier espace interdigital. Por ejemplo, en este caso, el primer espacio interdigital. Je vais appuyer progressivement à l'endroit où est mon nerf. Entonces, apoyo progresivamente hacia la forma en que está mi nervio. Jusqu'à ce que le territoire se relance. Hasta que el territorio se relaje. Et une fois que j'ai ça, je vais vérifier que les autres territoires sont bien relancés. Una vez que he conseguido esto, vamos a verificar que los demás territorios también se han relanzado. Donc, le côté local, en fait, on est en, donc en aval du nerf, côté local, on est après le nerf. Hein. Le nerf, il va de là jusque là. Donc, je suis après le nerf. Ah, vale. En este caso estamos a nivel distal del nervio. Y entonces, là, je vois que, même si je remonte sur les autres territoires, un peu plus à distance, j'ai bien une libération. Pero en este caso, en el segundo, estamos a distancia, a mayor distancia del nervio y también tenemos como la relajación. Donc, voilà, là, le nerf passe ici. Hein. Vemos que el nervio pasa por aquí. Et donc, après, pour le traiter, vous avez déjà vu ça, on fait une saturation. Entonces, para relajarlo, lo que vamos a hacer es una saturación. Donc, est-ce que tout le monde pratique régulièrement les saturations? Todo el mundo practica regularmente las saturaciones. Il va falloir, s'il y en a qui ne le font pas. C'est maintenant que jamais. Hay que hacerlo, es ahora. Donc, n'hésitez pas, pareil, quand on fera les TP, s'il y en a qui ont des difficultés, appelez-moi pour que je puisse vous corriger, vous aider. Ahora, la práctica, si tienen problemas, llamarle a él y que lo ayude. Donc, je vais rappeler juste les 2-3 points très importants pour la saturation. Va a explicar ahora dos tres puntos importantes para la saturación. Je vais bien aller. Donc, la saturation. Bon, là, la profondeur, je vais la trouver. J'ai mon territoire, j'appuie. Quand ça libère, je suis à la bonne profondeur. Donc maintenant, il ne faut plus que je change ici mon appui, ni plus fort, ni moins fort. Donc je trouve ma profondeur. Donc, mais ils ont tous compris. Vais a tener luego un certificado de francés sanitario. Estaba tan contento de la botella que... Comme quoi, c'est important de comprendre qu'à la conscience, on ne peut avoir qu'une seule chose en même temps. Así puedes comprobar que en la conciencia solamente podemos tener solo una cosa. Même les femmes. También las mujeres. Donc, pour ce qui est du nerf, pour trouver la profondeur d'appui, para encontrar la profundidad de apoyo del nervio, je suis sur mon territoire. Estamos sobre nuestro territorio. C'est bloqué. Está bloqueado. J'appuie. Apoyo. Ah, un moment, ça relâche. Y entonces, ahí, mira, se relaja. Quand j'ai trouvé la profondeur, je ne dois plus changer ma profondeur. Entonces, cuando he encontrado la profundidad adecuada, no tenemos que cambiar la profundidad. Parce que je vais aller sur l'autre territoire, mais je ne bouge pas ma profondeur. Entonces, iremos a buscar los otros territorios, pero no cambio la profundidad del punto. Donc, ni relâcher, ni appuyer plus fort. Ni relajarlo, ni apoyar más fuerte. Donc j'ai trouvé ma profondeur. Hemos encontrado entonces la profundidad. Maintenant, quand je vais faire ma saturation, entonces, cuando quiero hacer ahora mi saturación, ces mains ici ne doivent pas du tout descendre. Esta mano de aquí no tiene que bajarse. Je vous le fais une fois comme il faut. Va a hacerlo una vez como tiene que hacerlo. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, y ahora lo que no hay que hacer. Pousser pour relâcher. Ça, il ne faut pas le faire. C'est la plus grande difficulté au début. Lo que no hay que hacer es empujar para relajar. Es la dificultad más grande al principio. J'ai trouvé ma profondeur et je relâche. Entonces, encontramos la profundidad y relajamos. Juste comme ça. ce qui vous arrive parfois, certains font. A veces lo que llega, lo que hacen algunos. Lo que hacen algunos. C'est que vous partez un peu vers l'avant comme ça. Lo que hacéis es ir un poquito hacia adelante. Et là, en fait, ça provoque une poussée. Y esto provoca un empuje. Il faut ici, c'est je pars vers l'extérieur et vers moi. C'est ça. Lo que hay que hacer es ir hacia el exterior y hacia mí. Faites tendez vos bras comme ça en rotation interne. Et estirez vuestras manos. Tendez-les bien. Et maintenant, juste vous relâchez. Tensadlos bien, mejor. Juste relâchez sans ramener, juste relâchez. Y justo lo vais a relajar. Naturellement, il commence à se faire une rotation externe et une légère flexion. Et on va juste un tout petit peu augmenter ça. Vous voyez, je ne fais pas ça. Entonces, je ne fais pas la flexion de mes bras. Juste pas. Mais très légère. Naturalement, ce que nous faisons, c'est que nous avons les mains bien tensionnées, relajamos et nous commençons à faire une rotation spontanée. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es aumentar esta rotación y esta relajación. Et donc pour s'entraîner, le mieux c'est vraiment tension, juste ça, tension relâchée, et après j'essaie d'avoir une vitesse de retrait. Entonces, para manejar, tensión, relajar, tensión de arriba, y luego aumentar la velocidad. Voilà, donc les deux paramètres très importants, c'est de ne pas pousser avant de relâcher. Los dos parámetros más importantes. Uno es que no hay que empujar antes de relajar. Y el deuxième, c'est la rapidité. Y el segundo es la rapidez. Donc. Donc voilà, l'idée, donc, c'est. Là, je suis arrivé à ma profondeur. Et donc le trampoline me repousse. Et le trampoline me repousse. Mais il ne faut pas mettre le je descends avant. Je descends et voilà. Et je descends, je m'arrête et je relâche. Donc une fois que j'ai fait ma stimulation, je vérifie mes territoires, ils doivent être redevenus fonctionnels. Donc, je finis et puis attends. Donc, quand un nerf, on commande les muscles. Cuando el nervio está comandando el músculo. Cuando on libère le nerf, on libère aussi le muscle. Cuando relajamos, liberamos el nervio, estamos relajando, liberando también el músculo. Mais comme souvent on est dans des problèmes chroniques qui ont duré un certain temps. Y como normalmente estamos en problemas crónicos que duran cierto tiempo. Il va falloir quand même aller stimuler le muscle. También habrá que ir a estimular el músculo. Mais d'abord, il faut faire le nerf. Pero primero, hay que hacer el nerf. Et quand on refait notre testing, y cuando volvemos a hacer el testing, on va voir, ah tiens, il me reste quand c'est mieux, mais j'ai encore une petite restriction encore de mobilité. Veremos cuando volvemos a hacer el test que ha mejorado, pero todavía hay una pequeña restricción del movimiento. Bon, et ça c'est quasi systématique, hein. Quand on fait le nerf, on va faire le muscle derrière. Et esto es casi sistemático. Cuando hacemos el nervio, por detrás va el músculo. Donc là, on est sur la loge antérieure. Aquí estamos en el compartimento anterior. Donc une fois que j'ai fait la saturation de mon nerf fibulaire profond, cuando hemos hecho la saturación del nervio peroneo profundo, on va faire ce qu'on appelle une sidération. Vamos a hacer lo que llamamos una sidération. Sidération, c'est pour le muscle. C'est juste un contracté relâché. Hein. Es justamente una contracción, relajación. Mais avec vélocité, pareil. Pero con velocidad. Donc, la loge antérieure, qu'est-ce qu'elle fait? él va a hacer una flexión de pie. La, el compartimento anterior, ¿qué es lo que hace? Hace una flexión dorsal del pie. Donc, je vais placer le pied en extension. Entonces colocamos el pie en extensión. Je vais demander au patient de... Enfin, je vais mettre ma main dessus, donc bloquer le pied. Entonces ponemos la mano encima y vamos a bloquear el pie. Demander au patient de relever son pied. Vamos a pedir al paciente que levante la pierna. Et lâcher rapidement. Y la mano rápidamente. Ça sera plus clair en pratique, hein, mais c'est extrêmement simple. Ahora lo veremos que es mucho más simple en la práctica. Donc, quand on a une dysfonction neuromusculaire, la saturation neurale est toujours suivie d'une sidération musculaire. Et la saturation musculaire va être suivie d'une sidération musculaire. Voilà, prenez-le comme systématique. Une fois que vous avez traité votre nerf, vous dites tiens, c'est quel mouvement ? Hop, contre-résistance, relâchez. Entonces, una vez que saturamos el nervio, tenemos que pensar a qué movimiento hace, pues entonces tenemos que sidrar el músculo. Alors, je vous propose donc de faire ça maintenant en TP. Vamos a hacer esto ahora en la práctica. Donc, je vais montrer l'ensemble de ce que je viens de dire là sur quelqu'un. Et puis, entonces, vamos a demostrar esto sobre alguien aquí en la capilla y luego lo vais a ver. Si alguien no quiere salir, puede ser suficiente con que salga a su pie. O sea, cuando hace la aceleración, ha dicho que. Ah, falta para aquí. Cuando hace la aceleración, hace una extensión del pie, luego lo bloquea. Bien sûr, on ne le traite pas. Si alguien no tiene una disfunción, está claro que no lo vamos a tratar. Mais on va faire le, au moins le processus et on va voir en fait quand quelqu'un est fonctionnel. Pero vamos a ver el proceso. De hecho, cuando alguien es funcional, si j'appuie sur le nerf, cuando apoyo sobre el nervio, je vais bloquer le territoire. Vamos a bloquear el territorio. Donc on peut faire tous les tests quand même. Entonces podemos hacer igualmente todos los tests. Mais on va pas traiter. Pero no vamos a tratar. Donc, alors, chez elle quand même, il y a une différence de ce côté-là. Hay, en su caso, hay una diferencia de este lado. Donc ce test-là est un test de suspicion. Je me dis, tiens, peut-être que j'ai un fibulaire profond. Este test es un test de sospecha que nos va a decir, ah, pues puede que tengamos un fibulaire profond. Donc, fibulaire profond, je connais ces territoires. Fibulaire profond, y conozco los territorios. Loge antérieure. El compartimento anterior. Médieux. Médio. Et premier espace. Y primer espacio intermedio. Donc moi ce que je veux tester, c'est ce mouvement antéro-postérieur. Entonces vamos a testar este movimiento céfalo-caudal. Céfalo-caudal. Ici, ici, ici. Alors, là je rentre un petit peu en profondeur pour être sur le muscle. Est-ce que j'ai le mouvement ou pas? Entro un poquito para estar encima del músculo y me pregunto, ¿es este movimiento o no es este movimiento? Donc pour moi chez elle, j'ai du mouvement. J'ai par exemple là chez elle, il y a un territoire qui fonctionne moins bien que les autres, mais j'ai pas les trois qui sont dysfonctionnels. Entonces en su caso sí que encuentra movimiento, no todos los territorios funcionan de la misma igual de bien, pero no hay una disfunción. Donc il n'y a pas les trois, il n'y a pas de dysfonction. Alors, pour l'exercice donc. Entonces, para el ejercicio, je prends mon territoire. Cojo mi territorio. Alors, on pourrait commencer par n'importe lequel, hein, mais là c'est facile puisque j'ai la main comme ça, je peux appuyer là, donc on commence par celui-là. Podemos empezar por cualquier territorio, esto no importa, pero bueno, por la realidad, yo empiezo por ahí. Donc ici. Je pars de la partie médiale. Entonces, ahí, partimos de la parte médiale. J'ai un premier tendon. Tenemos un primer tendón. Et le, relève le gros orteil. Sube el primer dedo. Voilà. Donc ici, je suis bien entre les deux tendons. Entonces, aquí, estamos bien entre los dos tendones. Donc là, en faisant ça, bon, c'est pas compliqué. Hein, il n'y a pas besoin de passer 3 heures. On tombe tout de suite entre les deux tendons. Y aquí no tenemos que pasar dos horas para buscar entre los dos tendones. Bastante fácil. Donc, je me place. Me coloco. Là, pour moi, j'ai du mouvement, donc je vais chercher à bloquer le mouvement. Entonces, como tenemos movimiento, lo que voy a buscar es bloquear este movimiento. Voilà, là, je bloque. Bloqueamos. Puisque chez elle, c'était fonctionnel. Aunque en su caso sea fonctionnel. Dans le cas qui nous intéresse, nous, on va à la recherche des dysfonctions. En el caso que vamos a buscar las disfunciones. Si c'est dysfonctionnel, j'ai mes territoires bloqués, j'appuie jusqu'à ce que je relâche. Entonces, vamos a, tenemos un territorio disfuncional, voy a apoyar hasta que el territorio se vuelva a funcionar. Quand il est relâché, je teste, est-ce que j'ai bien relâché ici, est-ce que j'ai bien relâché ici. Ok, j'ai relâché les trois, à ce moment-là, je traite. Entonces, cuando estemos en el buen punto, vamos a valorar que se haya relajado en los otros territorios y el punto lo vamos a tratar en esa profundidad. Alors, j'ai oublié une petite étape. Ah, olvidando una pequeña etapa. Dans ce cadre-là, on pourrait faire comme ça, hein, ça pose pas de problème, mais on vous propose un petit test juste avant. En este caso, lo podríamos hacer solamente así, pero os propone un test. Donc, mon territoire est bloqué. El territorio está bloqueado. Je relâche la partie distale du nerf. Entonces, relajo la parte distal del nervio. Est-ce que ça relance mes territoires? ¿Es que esto relaja el territorio, sí o no? Si déjà là ça relance pas, c'est pas la peine que j'aille à l'étape suivante. Si no lo hace, ya no tiene sentido seguir por lo de. Donc, j'ai traité mon point, j'ai relâché mes territoires. Oui, j'ai traité. Ha tratado el punto, ha relajado el territorio. Maintenant, je fais la sidération musculaire. Ahora tenemos que hacer la sidération musculaire. Donc ça, bon, y a, même s'il n'y a pas, il n'a pas une dysfonction neurale, mais il y a quelque chose au niveau du muscle. Vous voyez là, chez elle, je vous ai dit, tiens, ici ça ne fonctionne pas, et là ça fonctionne. En su caso, por ejemplo, ha dicho, mira, en un territorio no funciona, pero en los otros sí. Ça veut bien dire qu'en fait, là, on a plus un problème musculaire qu'un problème neural. En este caso, puede significar que tenemos un problema muscular, pero no neural. C'est ce qui va se passer, en fait, si elle avait eu le fibulaire profond, je l'aurais traité, ça aurait été bien ici, mieux là. Et quand je reteste un peu plus profondément, je vois qu'ici il reste quand même quelque chose. Entonces, en el caso de que tratemos un cráneo profundo y vemos que hay dos territorios que han mejorado y el otro, si apoyamos un poquito más, todavía hay cierta restricción. Pour vous entraîner au niveau palpatoire, vous pouvez, donc là, pour moi, le muscle est dysfonctionnel, je peux aller tester l'autre côté pour voir est-ce que c'est pareil. Et chez elle, on voit bien la différence entre la gauche et la droite. Para entrenaros podéis comparar la derecha con la izquierda. En su caso, en el derecho nota que hay una disfunción y si lo compara con el otro, pues está como más débil. Parfois, on peut avoir des gens qui sont dysfonctionnels des deux côtés. Hein. Pero podemos también tener gente que sea disfuncional de los dos lados. Mais là, dans son cas, il y a une vraie différence entre la loge antérieure gauche et la loge antérieure droite. En su caso, sí que hay una diferencia notable en el compartimento anterior derecho y izquierdo. Donc là, j'étire la loge antérieure. Aquí lo que estamos haciendo es estirar el compartimento anterior. Donc la composante la plus importante, là, c'est la flexion plantaire. El componente más importante es la flexión plantar. Après, vu qu'on n'est plus sur le nerf maintenant, mais sur le muscle, que quand j'étire, que j'ai une petite supination, une petite pronation, c'est mieux une pronation, mais comme on, ce qui nous intéresse, c'est pas la course externe, donc en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Et luego también es que vamos a hacer una pequeña pronación, supination, pero por ahora no tiene tanta importancia. Normalement, on va être toujours référence territoire, je sens que c'est un peu c'est sans restriction. Vamos a coger de referencia el territorio, vemos que está en restricción. Et je vais créer une extension jusqu'à ce que je relance mon mouvement. Y vamos a hacer una extensión hasta que veamos que el movimiento se pare. Et à ce moment-là, je lui dis de relever le pied. Entonces, en este momento le vamos a decir que haga una flexión dorsal. Et je lâche. Y relajo. L'important, c'est d'aller vite, en fait. La importancia de esto es ir rápidos. Parce que j'ai traité le nerf avant, ça va être efficace. Porque ha tratado el nervio antes, esto va a ser eficaz. Si j'ai pas le traité le nerf avant, pero si no he tratado el nervio antes, et ben c'est pour ça que sur le muscle, il va falloir des traitements beaucoup plus compliqués, beaucoup plus longs, beaucoup plus spécifiques. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, ben on a moins à s'embêter avec le muscle. Y sobre los músculos se pueden hacer muchos tratamientos más específicos, muy trabajosos. Pero si hacemos primero el nervio, si hacemos primero el nervio y luego el músculo, esto es mucho más rápido y mucho más simple. Après, si c'est quelque chose de très ancien, pourquoi pas faire un traitement plus kiné sur le muscle, mais on aura déjà refonctionnalisé le muscle et après c'est plus le travail directement où tout le monde est plus. Luego sí que puede tener su interés el trabajar la musculatura con un fisioterapeuta, así, pero sobre todo lo importante es que la zona se vuelva a funcionar. Donc à la fin, je refais mon test cinétique. Al final vamos a hacer el test cinético. Et voir, bon bah normalement je dois avoir gagné. Y normalmente debemos de ganar. Ganar una. Ça va, c'est clair l'enchaînement? Está claro esto? Donc, je vous le refais une fois sans parler, mais à vitesse réelle, je fais l'ensemble. Va a hacer una vez sin hablar, pero a una velocidad real. Bon. Vale, ¿con quién? Otra cosa. Es raro.